17-24, observation. Ce qui se dit, ce qui se fait. Verbe réfléchi à sens passif. On dit ça. Ça se dit. On fait ça. Ça se fait. On mange les crevettes. Les crevettes se mangent. C'est même très bon. Les phrases 2, 4 et 6 sont équivalentes aux phrases 1, 3 et 5. Notez que dans les phrases 2, 4 et 6, le verbe est employé réflexivement, c'est-à-dire avec un pronom réfléchi, ce. De même, ça ne s'écrit pas de la même façon est équivalent à on n'écrit pas ça de la même façon. Ça ne se fait plus est équivalent à on ne fait plus ça.